Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. C'est le grand plaisir de vous présenter l'international à FISA. Pour célébrer le 33e anniversaire de la carrière de Seigneur Taboulé Le Rochereau, voici donc une fois de plus l'international à FISA.